Les éditions de l'avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Vanhereux. Cycle 1, la troisième force. Les fascicules allemands numéro 40 et 41, écrits par Clark Dalton, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 17. La menace des moufs, paru chez Fleuve Noir en 1970. Première partie, Wolga. Le Ganymède et le sans pareil, le nouveau nom donné au croiseur arcanide V-Stark, se sont repliés dans le système de Wolga à trois années-lumière d'Arconis. Le sans pareil est momentanément pris dans un rayon tracteur, le grand coordinateur cherchant à le récupérer, mais les mutants désactivent le système de sécurité. Le 17 juin 1984, un aviso s'approche des deux vaisseaux. Les mutants perçoivent la présence d'êtres à faculté parapsychique à l'intérieur. Taku Kakuta et Rastubai s'y téléportent. Chubai arrive à proximité d'une étrange créature en forme de méduse qui tente de le prendre sous son contrôle mental. Il se téléporte d'urgence. Et Mort, le commandant de la Viso, monte à bord du sans-pareil et les informe que le Zarl Démessor, le principal responsable de la planète Zalit, désire leur parler. Le sans-pareil se pose sur ce monde. Le Zarl propose une alliance contre le grand coordinateur, mais le terrien ne lui fait pas confiance. Ce qui intéresse le Zarl, c'est de s'emparer du grand empire. Les terriens se sont rendus compte que les moufs, les êtres médusoïdes, considérés comme des animaux domestiques par les Alitains, tiennent la majeure partie de la population sous leur contrôle. Perry Rodden demande du temps au Zarl pour entraîner son équipage. En fait, il veut combattre Démessor pour se gagner les bonnes grâces du grand coordinateur, le régent. L'émir et Tamayokida se téléportent sur un croiseur zalité. Ils apprennent que les moufs sont au service de mystérieux maîtres. Les terriens tuent les moufs en provoquant une fuite dans leur cuve de méthane. Rodden envoie un message à Conrad Deringhouse sur la Terre pour le prévenir du danger. Les terriens contactent un groupe de résistance et concluent une alliance. Ils empêchent une attaque contre le palais, ce qui contrecarrerait leur plan qui consiste à démasquer les maîtres. Le fascinateur André Lenoir hypnotise des conjurés. Bientôt, de nouveaux moufs sont amenés sur Zalit. Deuxième partie, les danseuses du Zarl. Le résistant Rogal pénètre dans le palais pour tuer le Zarl, mais il ne fait que tirer sur un mannequin. Il est arrêté. Contre sa volonté, il amène les soldats au groupe de conspirateurs dirigé par l'ancien amiral Zernif. Une gazelle est éjectée grâce au transmetteur fictif et Rodden établit le contact avec le régent. Rodden l'informe de la trahison du Zarl. Le grand coordinateur confie le sans-pareil à Rodden. Il sera officiellement à lui quand les maîtres auront été démasqués. André Lenoir fait sauter le blocage post-hypnotique imposé à Rogal. Zernif et ses hommes commettent plusieurs attentats pour détourner l'attention lors du retour de la gazelle. Et Mort amène à Rodden une invitation du Zarl. Lors de la réception, Rodden annonce qu'il n'aidera pas Démessor. Les danseuses se révèlent être des robots qui emprisonnent les terriens. Le sans-pareil et le Ganymède sont attaqués, tandis que Rodden et ses compagnons sont amenés devant des moufs pour qu'ils brisent leur volonté. Les deux vaisseaux terriens fuient dans l'espace. Les mutants interviennent alors pour libérer Rodden. Des croiseurs de l'Empire arrivent. Demezor est tué et Zernif devient le nouveau Zarl. Le grand coordinateur confie à Rodden la mission de découvrir qui sont les maîtres. Les fascicules allemands numéro 42 et 43, écrits par Kurt Brand et Kurt Mahr, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 18, La planète piégée, paru chez Fleuve Noir en 1970. Première partie, le cimetière d'astronefs. Le Ganymède part pour la Terre afin de ramener des troupes fraîches et un compensateur de structure pour le sang pareil. Ce dernier quitte 8 jours plus tard le système de Woga. Perry Rodden ordonne de se diriger vers le système de Tatrell. Il est persuadé que c'est une proposition de Tora. Une fois arrivé, le vaisseau survole la deuxième planète, Onur, et se pose. Le sang pareil est entouré par les Ono, les habitants d'Onur, qui s'intitulent eux-mêmes les élus. Ils amènent avec eux de petits animaux ressemblant à des koalas, les nonus. Un abysso avec Rodden, l'émir, Wario Sengu et Junyan Tiffler part en reconnaissance et découvre un cimetière d'astronefs au pôle sud. Rodden appelle Reginald Bull, qui semble euphorique. Tout l'équipage paraît avoir perdu la raison. La gazelle revient et, après que Tiffler a détecté un navire, elle est dissimulée. Une nef cylindrique se pose, d'où sortent des robots. L'émir se téléporte dans le sang pareil et programme des robots terriers pour qu'ils les affrontent. Le vaisseau attaque ensuite la gazelle. Une escadre complète de vaisseaux est alors détectée. Les terriens reviennent dans le sang pareil qu'ils font décoller. Le Ganymède arrive à temps, détruit quelques navires et le reste s'enfuit. Après analyse, on découvre qu'une toxine s'attaque au système nerveux des humains, déclenchant la maladie baptisée hyper-euphorie. Elle est sécrétée par le pelage des nonus. Deuxième partie, les marchands de drogue de la galaxie. Le sang pareil est équipé du compensateur de structure amené de la Terre, tandis que les médecins étudient l'hyper-euphorie. Celle-ci est due à un poison artificiel, l'argono-exilanine. Le sang pareil se pose sur Honour. Deux groupes partent en exploration. Celui du lieutenant Tiffler à bord de char, et celui du major Chaney avec 3 avisos. Ils cherchent la base secrète des naufrageurs. Un Ono rejoint le groupe de Tiffler le soir. Il dit appartenir au groupe des réprouvés, différent de celui des élus. Il veut leur montrer une trace des dieux. Les avisos de Chaney remarquent une irrégularité dans le balayage radar avant de soudain tomber. Le groupe de Chaney part à pied. Plusieurs hommes tombent victimes de l'hyper-euphorie. Ils aperçoivent des Ono et les suivent jusqu'à un village déserté. Tiffler remarque la présence de trous dans l'espaciandre. Nathan, l'Ono qui les guide, les amène au village abandonné des dieux. Les deux groupes se rejoignent. Les victimes de l'hyper-euphorie ont aussi des trous dans leur spatiandre. Ils découvrent les traces de véhicules à chenilles. Pendant la nuit, presque tout le groupe est contaminé. Seuls Tiffler et les sergents O'Keefe et Halligan sont encore sains. Ils découvrent que la maladie est véhiculée par des robots en forme de libellules de 5 cm de long. Ils découvrent l'accès à une base souterraine et sont attaqués par les libellules. Tiffler parvient à prévenir le sans-pareil. Lui et son groupe sont capturés par des Hono. Ils s'évadent et arrivent à temps pour voir une nef décoller. Ils interceptent trois Hono qui sont tués par la chaleur dégagée. Les Terriens explorent la base une fois la nef abattue par le Ganymède. Ils découvrent les installations de production d'Argono et Xylamine. Crest examine les trois cadavres. Ce ne sont pas des Hono, mais des Ara, un rameau détaché des francs-passeurs vivant de la vente de médicaments et de remèdes à des maladies par eux-mêmes déclenchées. Les fascicules allemands numéro 44 et 45, écrits par Kohashir et Clark Dalton, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 19, Les Méduses de Mouffard, paru chez Fleuve Noir en 1971. Première partie, Mouffard. Les victimes de l'hyper-euphorie sont endormies avec du gaz pour qu'elles ne se blessent pas. Crest propose de rallier Arcanis pour demander l'aide du régent. Le psychologue S-Robot, Orson Search, le déconseille. Aussi, Perry Rodden décide-t-il de ne présenter que 8 malades. Le Ganymède et le sans-pareil partent pour Arcanis. Le régent annonce qu'une drogue est créée d'après la drogue sécrétée par les animaux d'Onur, d'où la quarantaine. Il communique aussi la position de la planète Mouffard, le monde d'origine des Mouffes. L'amiral Vetren de Tatstran est déjà en route pour l'anéantir. Le grand coordinateur donne les pleins pouvoirs à Rodden ainsi que du matériel. Rodden apparaît à temps pour empêcher l'escadre de Vetren de détruire la planète. L'émir détecte un appel mental leur conseillant de faire demi-tour. Des milliers de moufs encerclent le sans-pareil. L'émir sent que les moufs s'unissent et lancent une attaque psychique. Le vaisseau ouvre le feu, puis change de position. Des créatures étranges apparaissent à bord, des globes gris de 5 mètres de diamètre émettant un bruit de cornemuse. Le biologiste Janus Van Orter est enlevé par l'une d'elles. La bête explose dehors, mais Van Orter est emporté par le vent. Le lieutenant Hathom sort avec des chars. Les cornemuses explosent mystérieusement. Les cornemuses ne possèdent aucun organe indiquant une intelligence autonome. L'émir capte des ondes mentales d'Ara et le sans-pareil ouvre le feu sur leur base. Un mystérieux Trocht envoie un message psy les prévenant d'un danger. L'émir fait sauter une bombe dans la caverne abritant le générateur de l'écran d'énergie de la base. Le sans-pareil débarque alors des robots et des chars. Les Terriens découvrent que la base sert à produire des cornemuses et n'a aucun rapport avec l'hyper-euphorie. Ils apprennent seulement que la solution doit se trouver sur Aralon. Le Mouf Trocht les contacte. En fait, les Moufs sur Zalit n'étaient que des enfants dévoyés par les Ara. 50 Moufs montent à bord du sans-pareil. Deuxième partie, Aralon. Les deux vaisseaux terriens quittent Mouffard 6 pour Arcanis. Rodden appelle le régent et obtient de lui la position d'Aralon, la planète principale des Ara. Le grand coordinateur met une escadre robot à sa disposition. Julian Tiffler, Tora et Wuryu Sangu partent avec une gazelle pour la planète qui n'est qu'un gigantesque hôpital. Il présente Tora comme une malade de l'hyper-euphorie. Tiffler fait croire qu'il l'a enlevée à Rodden. Le lendemain, Deimos, un Ara haut placé, informe Tiffler que Tora est guérie, mais elle dit tout ignorer de relations entre eux. Tiffler est amené pour être étudié. Il appelle mentalement l'émir à l'aide. Le sans-pareil et le Ganymède se posent de force sur Aralon. Rodden débarque avec des robots au nom du régent. Il est rejoint par une délégation conduite par Temos. Il pénètre dans le sous-sol. L'ascenseur dans lequel il se trouve chute soudain. Tiffer et Sengu tentent de s'échapper, mais ils sont paralysés. L'émir bloque la chute de l'ascenseur et intervient à temps pour sauver Tiffer et Sengu. Il récupère le sérum anti-euphorie. Rodden est informé qu'une escadre de francs-passeurs attaque le sans-pareil. Le supérieur de Temos, Borat, fait appel au lourd. Le lourd Talamon arrive avec une escadre. L'émir traque Temos, qui l'amène devant Rodden. En tentant de fuir, il tombe dans un puits d'ascenseur. L'émir choisit de ne pas le retenir. Les malades sont ensuite traités. Rodden ordonne à l'escadre robot de faire un blocus autour du système. Quand Talamon est informé par Rodden des actes des Ara, il se montre amical et repart. Rodden exige du Conseil des médecins qu'il ne fabrique plus de maladies et que les peuples actuellement malades soient gratuitement guéris. Les Ara sont contraints d'accepter. Les fascicules allemands numéros 46 et 47, écrits par Kurt Brand et Kurt Marr, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 20, Les Grottes de Gomme, paru chez Fleuve Noir en 1971. Première partie, l'acier d'Arconis. Le sans-pareil et le Ganymède se sont positionnés dans un secteur de M13 peu fréquenté. Perry Rodden obtient du régent la permission d'aller chercher un équipage sur la Terre. Talamon l'informe ensuite qu'Aralon a rameuté tous les clans d'Ara. Ils veulent obliger les francs-passeurs à détruire la Terre. Rodden monnaie l'aide de Talamon contre les tonnes d'Arcanites sur Honour. Une grande assemblée des patriarches doit avoir lieu sur la Ross dans le système de Gonum. Les lourds commencent à se mobiliser. Suite à une manœuvre organisée avec l'aide de Talamon, le sans-pareil disparaît sans laisser de traces, alors que le Ganymède part pour la Terre. Michael Fred, arrivé sur Terre, fait mettre le système solaire en état d'alerte. Une gazelle arrive discrètement sur la planète Exar, où les Ara ont déclenché une épidémie. Julian Tiffler émet un message annonçant à toute la galaxie la vilainie des Ara. Talamon informe les Terriens que sa flotte est en route pour le système de Gonum dont il fournit la position. Le sans-pareil s'y rend. Sur la Ross, le biologiste en chef, Kiklos, mène des expériences sur les bio, une forme de vie artificielle. Un jeune Ara, condamné pour un crime, est chargé d'amener des capsules porteuses de germes dans un vaisseau franc-passeur pour déclencher une épidémie. Il est ensuite exécuté. Les Ara guérissent gratuitement la maladie, soi-disant par altruisme. Un groupe de Terriens, sur le vaisseau de Talamon, se rend compte que l'hypercom était branché et que tout le monde pouvait entendre leur conversation. Le sans-pareil brouillant les communications. Les mutants sentent qu'une force mentale est à l'œuvre dans le secteur. Un groupe, mené par Reginald Bull, s'introduit dans le vaisseau de Top-Tor et efface les coordonnées de la Terre, les remplaçant par celles du système de Bételgeuse. Les Ara commencent à devenir méfiants. Kitei Ishibashi sème la zizanie entre francs-passeurs et lourds en les influençant. Les Terriens sont obligés de décoller en catastrophe. Une force psychique les force à plonger sur la planète Gomme. Deuxième partie. Après le crash de la gazelle sur Gomme, les Terriens trouvent refuge dans une grotte. John Marshall perçoit des ondes mentales. Il voit d'étranges créatures, des sortes de crêpes qu'il baptise Gomme, se déplacer sur la surface. La gazelle disparaît complètement. Plusieurs mutants sont pris sous contrôle mental, rejoignent l'emplacement de l'aviso et disparaissent. Les terriens sont obligés de fuir devant les crêpes et trouvent refuge dans une galerie artificielle. Ils affrontent les bio et les gommes. Ils pensent qu'ils se trouvent en fait dans une sorte de couveuse pour gommes mise en place par les aras. Pris séparément, les gommes sont inoffensifs, mais en se réunissant, ils forment un super gomme dangereux. Les télépathes établissent le contact avec le super gomme qui les conduit aux mutants disparus. En sortant à l'extérieur, ils voient plus de 200 bio sortir de disques volants. En fait, les aras construisent les couveuses pour les gommes qui, en échange, leur fournissent la matière brute pour la production des bio. Grâce à Ivan Ivanovitch Gorachin, les bio sont décimés. Tako Kakuta se téléporte dans un des disques qui décolle automatiquement. Il désactive le système de téléguidage. Le plus grand super gomme jamais formé se crée pour obéir aux aras. Il est composé de plus d'un milliard d'individus. Les terriens s'introduisent dans une soucoupe d'où ils émettent un appel de détresse. Tako Kakuta revient sur gomme avec son disque et attaque le super gomme à l'aide de ses canons radiants. Il s'écrase ensuite. Les terriens trouvent refuge sur une saillie rocheuse avant d'être récupérés par le sang-pareil. Le croiseur terrien détruit ensuite complètement la rosse avec une bombe arcanide. Les fascicules allemands numéro 48 et 49, écrits par Clark Dalton, parus en 1962, apparaissent dans le volume français numéro 21. La bataille de Bételgeuse, paru chez Fleuve Noir en 1972. Première partie, l'Alliance des Aquatiques. Perry Rodden est de retour sur Terre après 6 mois d'absence. Il veut pousser les francs-passeurs à détruire Bételgeuse 3 au lieu de la Terre, qui aura alors le temps pour se développer. Le centurion de Conrad Derringhouse et les 4 de John McLeaners partent pour Bételgeuse. Leur objectif est de feindre la défense de la Terre face à l'invasion des lourds. Le centurion, à bord duquel l'émir s'est introduit clandestinement, survole la 4e planète, baptisée Aqua, en raison de l'importance de la surface couverte par les eaux. Il découvre une base d'étopsides. Les terriens se présentent comme des francs-passeurs ayant volé leur navire aux Arconides. Derringhouse et John Marshall discutent avec le commandant des Topsides, Alcor. Ils sont ensuite emmenés dans une cellule. L'émir les rejoint, armés de radians et de grenades. Ils s'évadent et détruisent la coupole où ils étaient enfermés. L'émir se déchaîne et fait voltiger les Topsides. Les terriens gagnent ensuite la côte. Le mutant Doitsu Ataka permet d'établir le contact avec les aquatiques, les indigènes dont la forme fait penser à de grands phoques. Ils arrivent à conclure une alliance contre les Topsides. Le centurion décolle après avoir ouvert le feu sur les installations et rejoint les 4 en orbite. Alcor envoie un message pour mettre le quartier général en état d'alerte. Le commandant en chef des forces Topsides dans le système décide de repousser l'invasion attendue sans renfort. Alcor s'oppose à lui et finit par l'abattre. Les Topsides veulent exécuter McLears et Julian Tiffler et sont emmenés dans le sas pour être noyés. L'émir intervient, libère les prisonniers et inonde la base. Sur la Terre, Perry Rodden est informé de la situation. Il décide d'utiliser les Topsides contre les francs-passeurs. Il leur donne à Derringhouse de rallier la 3e planète. Deuxième partie, Delenda et Terra. Le sang-pareil émerge dans le système de Bételgeuse. Le centurion et les 4 repèrent un grand nombre de transitions correspondant à l'arrivée des flottes de francs-passeurs. De son côté, Alcor fait fortifier la 3e planète, pensant que les francs-passeurs attaqueront d'abord à Croix. Les vaisseaux terriens attaquent les nefs ennemies, faisant croire à une défense massive des terriens. Alcor demande l'aide de l'autocrate, le dictateur de Topside, qui lui envoie deux vaisseaux, mais exige la victoire. Lors de son immersion, le lourd Toptor comprend tout de suite que ce n'est pas le système de sol, malgré la présence du croiseur amiral de Perry Rodden. Les Topsides sont surpris que les francs-passeurs attaquent la troisième planète et non la quatrième. Le MV-13, un croiseur Topside, est touché par le Top 2, la nef amirale du lourd Toptor, et s'écrase sur Aqua. Il ouvre le feu sur le vaisseau qui se brise en deux. Toptor prend contact avec le commandant Berka. Le lourd commence à comprendre le tour que lui a joué Rodden. Ils partent ensemble avec un véhicule à chenilles pour le quartier général des Topsides sur Aqua. Arrivés, ils se disputent pour savoir qui va utiliser l'hyperémetteur en premier. Toptor abat Berka et parvient à contacter Sextel, le plus vieux patriarche lourd. Mais l'émir intervient à temps. Il détruit complètement le Top 2 et met hors service l'hyperémetteur. Sur la troisième planète, Alcor fait tirer avec toute la puissance et détruit la moitié de l'escadrille de Sextel. Ce dernier finit par lâcher une bombe arconide sur Betelgeuse 3. Le Centurion survole Aqua et largue une bombe sur les Topsides et lourds réunis. Le sans-pareil plonge pour se retrouver à proximité de la nef amirale de Sextel. Il plonge à l'instant où une bombe explose, faisant croire à sa destruction. La Terre est maintenant tranquille pour des décennies. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les résumés du cycle 1, des fascicules 40 à 49 des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Vanhereux. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com, et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons, Share Alike, et est une production 2014 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.